Christophe Pemart, Bordeaux 3. J'avais d'ailleurs abordé moi-même cette question un petit peu de la participation lorsque nous avions parlé des passages de responsabilités et compétences élargies. Moi, je crois qu'il ne faut quand même pas confondre la participation aux instances et la collaboration active. Et je pèse mes mots parce que je crois que ce dont nous parlons n'est pas exactement similaire. C'est-à-dire participer à les instances, c'est une chose. Collaborer de façon active à la mise en place et au renforcement des dispositions qui sont décidées par les gouvernements, c'est une autre chose. Or, moi, je crois que le vrai problème que nous devons affronter aujourd'hui, la réalité, c'est bien cela. Je prendrai l'exemple pour illustrer mon propos d'un président d'université, je crois que c'est celui de Rennes 2, qui dit à ses collègues, parlant donc des responsabilités et compétences élargies, « Syndicalement, je suis contre, mais en tant que président, je suis pour ». Et je crois que c'est cette réalité qu'il faut regarder. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette dualité? Comment ces gens deviennent à ce point-là, capables d'avoir tenu les propos les plus convaincants de dénonciation et quasiment du jour au lendemain, une fois leur petit mandat et leur petite prime, reçue, à ce point collaborer? Car quand même si un ministre ou une ministre menace un président, il est élu par la communauté universitaire, c'est pas un fonctionnaire d'autorité. Comment peut-on comprendre que ces présidents, en réalité, se comportent comme des fonctionnaires d'autorité? Ils sont finalement aussi serviles et aussi silencieux que les recteurs. Et je crois que ça, c'est une réalité qui doit nous interpeller. Alors je crois que, justement, ça renvoie à la question de la participation. Le retrait d'un certain nombre de collègues qui se sentent finalement protégés devant leur écran d'ordinateur, accumulant article sur article, attendant que ça se passe. Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ceux qui ont un profil... Je ne vais pas refaire de la sociologie de bas étage, mais ceux qui ont le profil pour ça, qui depuis tout petit pensent qu'ils finiront président d'université parce que de toute façon, finalement, l'excellence scientifique, ça ne les intéresse pas ou ils n'y prétendent pas, eh bien c'est ceux-là qui, comme par hasard, surgissent, raflent les postes et ensuite nous obligent à les combattre de façon extrêmement intense pour des résultats tout petits. Parce qu'évidemment, les CA version loi LRU renforcent énormément leur pouvoir avec les personnalités extérieures, etc. C'est-à-dire que ça nous demande un militantisme pour chaque décision énorme, puisqu'il faut aller voir chaque personnalité extérieure qui, dont bon nombre, sont des représentants des collectivités territoriales et qui donc envoient leur petite procuration, puisque vous savez que c'est comme ça que ça se passe, envoient la procuration au président qui les dispatche, puisque les procurations arrivent plus souvent sans nom. Et donc le président dispatche les procurations à ses affidés, et c'est comme ça que ça marche. Donc je crois que c'est cette question-là qu'il faut se poser. C'est pas tant la participation figurée dans un CA pour dire qu'on n'est pas d'accord, parce que je comprends bien la lassitude de ceux qui y vont. C'est pas très intéressant de passer des heures à, finalement, entendre des débats, et puis à la fin, le résultat est toujours le même. Personne ne peut se satisfaire de cette situation. Ce qui veut dire qu'une véritable participation, elle suppose de se poser la question jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la question de la présidence des universités. Et moi, je crois que nous ne sommes pas condamnés à subir les présidents que nous subissons aujourd'hui. Eh bien, je dirais que je le renverserai, finalement. Peut-être parfois faut-il se dire que les présidents que nous avons, nous les méritons. C'est-à-dire que si c'est ces présidents-là, eh bien, c'est un petit peu notre faute parce que nous les laissons faire depuis qu'ils sont tout petits. Et je crois que tant que... Oui, depuis qu'ils sont tout petits, dans l'université, qu'ils montent, qu'ils grimpent, qu'ils occupent les directions du FR, les responsabilités, etc., qu'ils affichent après leur cursus, parce que les arguments électoraux, nous les connaissons tous. J'ai été directeur du FR ou directrice du FR, etc. Bref, le cursus honorum. Et puis ensuite, il n'y a plus que moi. En général, on en sort un deuxième pour une illusion de la démocratie. Et puis c'est terminé. Et ça, c'est une réalité, me semble-t-il, qui correspond à ce que nous vivons et qui est renforcée, cristallisée même par la loi LRU. Donc moi, il me semble que par rapport donc, aux objectifs d'un séminaire comme celui-ci, nous devons nous affronter ces questions de technique. Donc maîtriser, oui, un certain nombre d'outils techniques, mais pas simplement pour les maîtriser, mais bien pour être capable de les déconstruire et pour ensuite en faire quelque chose et convaincre. Car je crois qu'on ne peut pas raisonnablement attendre que la destruction du système dans lequel nous sommes se produise, parce que je crois que ce serait évidemment irresponsable et surtout ça ne nous protégera évidemment pas. Ouvrons les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur. Des départements entiers ferment dans d'autres pays. Nul ne peut dire aujourd'hui que nous sommes mécaniquement à l'abri parce que nous serions en France. Personne ne peut le dire. Donc les dangers, nous les connaissons. Nous ne sommes pas les cassandres puisque nous pouvons décrire ce qui se passe déjà à l'extérieur. Donc je crois que les enjeux, ils sont maintenant posés ainsi. Une fuite, pour moi, en avant, qui consisterait à dire « ça ne nous intéresse pas, attendons, etc. » serait absurde. Mais je crois que du coup... Ça impose à chacun de réfléchir différemment le concept ou l'idée de participation aux instances, c'est-à-dire de le faire en jouant sur le terrain qui est soi-disant le leur, celui de la compétence. Car en réalité, dès qu'on fait un petit peu d'effort. Bien souvent, nombre de présidents sont incompétents sur le plan juridique, incompétents sur le plan des budgets, des lectures des budgets, et c'est le secrétaire général qui fait l'essentiel, l'appareil administratif qui fait l'essentiel du travail, et bon nombre d'entre eux sont en général, parce que c'est pas leur formation, tout simplement. Et je parle pour l'université de sciences humaines, mon président, il allait encore à confondre loi, décret, arrêté, circulaire. Voilà, hein. Donc ça c'est une réalité, c'est-à-dire qu'il se trompe régulièrement, c'est un sujet d'actualité. Donc voilà, stage. Donc voilà, ça c'est des réalités concrètes. Donc ça veut dire que même sur le terrain de la compétence, nous pouvons démontrer que nous sommes plus compétents qu'eux. Mais évidemment, ça suppose de notre part de s'emparer de ces questions en tant qu'intellectuel, et c'est là-dessus que je voudrais terminer. C'est-à-dire que je crois que la responsabilité d'être un universitaire et un intellectuel, ça suppose justement de s'engager activement dans la participation aux instances.